Aujourd'hui, Robert Forisson, itinéraire d'un négationniste. Notre invité, Dominique Albertilli, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire, tous les 15 jours, et auteur en septembre, avec notre confrère David Doucet des Inrocks, de ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle La Fachosphère. Et encore une fois, un sous-titre, les sous-titres sont importants, et il dit comment l'extrême droite remporte la bataille du net. Effectivement, il y a une petite flèche hein, sur la couverture. Comme si on allait cliquer. Alors on a parlé de négationnisme, petite précision sémantique peut-être, d'autres disent révisionnisme, après tout pour les historiens, réviser l'histoire peut être légitime à la lumière de faits nouveaux, de dossiers rouverts, après qu'il fut impossible de les ouvrir, après un délai, voilà, c'était une démarche critique, et donc c'est une science, l'histoire est une science, retour d'expérience, donc révision possible. En revanche, négationnisme, qui lui est vraiment le terme officiel hein, pour qualifier toute démarche intellectuelle qui viserait à remettre en question, et à dire encore plus ouvertement que les crimes nazis n'ont pas existé, pas plus que les chambres à gaz. Voilà, c'est dit. D'emblée, il y a un dilemme quand même qui sous-tend notre conversation, Dominique Albertini. Est-ce que consacrer une émission à Robert Forisson et au négationnisme, est-ce que en parler, bah finalement, c'est pas mettre en lumière quelque chose qu'on devrait laisser dans l'ombre, histoire de ne pas polluer les esprits? Ah, vous êtes posé la question, je crois. Absolument, on s'est posé la question. Alors, peut-être moins sur Robert Forisson que sur ces épigones actuels que sont Alain Soral et l'ex-humoriste Dieudonné, qui ont repris en partie une des thèses de Robert Forisson, et notamment la principale, qui est que le nombre des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale a été, sinon nul, en tout cas très surestimé ensuite pour servir les intérêts de ce système qu'il dénonce et qui serait principalement au service d'Israël et de la grande finance. Voilà. Et on se souvient qu'il y a maintenant quelques années, il y a eu énormément de bruit autour des dires et des faits d'Alain Soral et de Dieudonné. Beaucoup d'écho médiatique donné à ces procédures et puis également par le gouvernement aussi hein, qui s'était engagé de manière très ouverte contre ces deux personnages. La question se posait alors de savoir s'il fallait ou pas accorder autant de place aux deux personnes dont on parle, avec de bons arguments à l'appui et en opposition. L'idée étant évidemment qu'il fallait que la lumière soit faite, l'information diffusée, les faits établis sur la réalité de ces deux personnes et de leur discours. Et puis évidemment, l'argument contre étant que est-ce que faire cela ne revenait pas à leur donner une nouvelle audience chez des gens pour qui, par définition, tout ce qui se dresse contre les vérités établies, le gouvernement, le monde tel qu'il est, est-ce que tout ça n'est pas bon à prendre finalement? Il y avait aussi une dimension anti-système chez ces deux personnes qui a pu séduire et à laquelle a pu contribuer l'écho qu'on leur a donné. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse idéale, malheureusement. Alors qu'est-ce que c'est la fachosphère dans votre esprit? La fachosphère dans notre esprit, c'est un terme non pas scientifique, mais plutôt polémique, journalistique si on veut. Bien sûr, c'est une formule. Voilà, qui désigne simplement l'extrême droite sur Internet. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est une extrême droite qui a fait d'Internet son terrain de combat principal. Ce qu'on a découvert et ce qui a motivé ce livre, c'est que sur Internet, l'extrême droite est sans doute la famille politique la plus implantée. Avant les autres, plus que les autres, peut-être mieux que les autres, elle s'est emparée de ce canal pour diffuser un discours dont elle jugeait qu'il n'avait pas suffisamment de place ou qu'il était maltraité dans les médias traditionnels. Oui, parce qu'elle pensait également, cette sphère-là, qu'il n'y aurait pas les filtres. Le filtre absolument. De la presse, par exemple. Et l'idée est toujours dire la même. Tout et en particulier n'importe quoi. L'idée est toujours la même, c'est de pouvoir toucher directement le public en passant par-dessus la tête des médiateurs traditionnels que sont, par exemple, les journalistes. Et ça, c'était fomenté depuis longtemps. Je crois que vous avez retrouvé un document hein, qui disait, alors je sais pas, il remonte à quelle année. Je vais vous citer, ce sont mes archives. Déjà, rappeler que le Front National a été le premier parti français à se doter d'un site internet en 96. J'ai amené un petit magazine qui n'est pas issu du Front National, mais de la mouvance nationaliste révolutionnaire, néo-fasciste, si on veut. Un petit magazine qui s'appelle Résistance, qui a été publié en mars 2001. Résistance, c'est bien. Voilà, mars 2001, à une époque où internet est encore largement embryonnaire en France, et il y a tout de même dans ce magazine une page entière consacrée à un réseau de partage musical qui s'appelle Napster, hein, qui était assez populaire à l'époque. C'est vrai. Et voilà ce que dit l'auteur, qui est très content de découvrir qu'on peut diffuser sur cette plateforme des groupes de rock identitaires d'extrême droite, qui ont par ailleurs quelques difficultés, et bien sûr, à être être écoulée par les canaux traditionnels. Cette affaire nous prouve qu'Internet peut devenir un formidable support de diffusion de notre idéal identitaire. Boycottés par les circuits de distribution traditionnels, les groupes de rock identitaire ont du mal à toucher un large public. Internet nous offre un moyen efficace de contourner la censure et d'échapper ainsi à la ghettoisation de nos idées. Chacun peut désormais diffuser sur le réseau des fichiers MP3 de ses groupes préférés. Ce qui vaut pour la musique valait également pour les idées. Bien sûr. Alors, on a appris récemment la condamnation d'Alain Soral pour la diffusion d'un dessin jugé négationniste sur un site internet. Revenons sur ce personnage, sa place dans la fachosphère et la manière dont un certain nombre d'idées ont trouvé une nouvelle place sur le terrain. C'est un élément fondamental de ce monsieur. Absolument. Alain Soral nous offre un discours pas toujours extrêmement construit, hein, pas toujours extrêmement charpenté. Il emprunte à différentes traditions de l'extrême droite qu'il mélange un peu pour en faire un produit à sa sauce. Il y a deux choses structurantes néanmoins dans ce discours qui sont d'une part une vision conspirationniste de l'histoire et de l'actualité, l'idée que tout découle non pas des actions contingentes d'un grand nombre d'acteurs, mais plutôt d'un plan, voilà, d'une espèce de centre obscur d'où partiraient plein de décisions qui influeraient sur notre vie à tous, et d'autre part sur l'antisémitisme, l'idée que le complot dont on parle est mené et en tout cas fait les intérêts notamment de ce qu'il appelle lui les sionistes, mais qui sont sans doute une manière polie de désigner les juifs, poli ou en tout cas détourné. Voilà. Et donc ça, ce sont les deux choses qui structurent le discours soralien et qui ont trouvé dans Internet un canal de diffusion que ce monsieur n'aurait sans doute pas trouvé ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui a un site Internet très visité, qui tourne régulièrement des espèces de petites causeries où il est sur son canapé, il est filmé face caméra, il parle assez longuement et tout seul. Et ce sont des moments de ce genre où on peut l'entendre expliquer, par exemple, qu'on trouvait dans des chambres à gaz de petites fenêtres. Et donc, il était absolument impossible que des gens aient pu mourir là-dedans, puisque manifestement, il y avait une fenêtre. Voilà. Ah ouais, ben voyons. En quoi Robert Faurisson, lui, tient une place particulière dans cette mouvance? Alors, fachosphère, peut-être, l'époque où il s'exprime est aussi une époque avant Internet, hein. Et puis après, avec Internet, mais ça commence avant Internet. Quelle place il tient, lui, Robert Faurisson, dans tout ça? Il tient une place importante. C'est celui. Alors, ce n'est pas forcément le premier à avoir exploré ce chemin-là. Hein. Quelqu'un comme Maurice Bardèche, avant lui, avait un peu posé les bases de ce discours. Mais lui, lui donne une audience nouvelle. Voilà. Il fournit les armes à des gens qui ne veulent pas renoncer à l'antisémitisme pour, en quelque sorte, travestir, habiller ce discours antisémite, lui donner une caution historique, et puis surtout, avec la loi Guesso dont on va reparler, mettre en scène aussi l'affrontement entre ce que lui désigne comme des vérités officielles, et puis la posture du dissident, de celui qui va chercher la vérité malgré l'opposition des juges, de la presse, du système, des grands intérêts. Voilà. Et en mettant en scène ce combat-là, en s'appuyant sur le statut qu'il revendique d'historien, il va structurer et donner à ce discours une nouvelle ampleur, vraiment, et donner à des gens qui ne veulent pas renoncer à l'antisémitisme le moyen de faire passer ce discours-là en contrebande derrière un autre discours qui serait celui de la recherche de la vérité historique. Alors, il y a aussi quelque chose qui nous interpelle, c'est la collusion entre l'extrême droite et, on va dire, une partie de l'extrême gauche dans cette démarche-là. Elle est réelle, celle-là ? Alors, elle est réelle. Son importance est difficile à évaluer. C'est pour ça que j'ai dit une partie. Voilà, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que chez des gens qui sont, ou en tout cas qui ont été à un moment de leur vie de gauche, on retrouve des formes de discours qui peuvent se rapprocher de ces thèses-là. La porte d'entrée ici étant moins l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite que l'antisionisme, voilà, l'opposition à l'État d'Israël. Et à un moment, il y a une frontière qui est poreuse entre l'antisionisme, après tout, qui n'est pas délictuel, c'est une opinion politique, l'antisémitisme, c'est autre chose. Ça, absolument. C'est un délit. Et il y a peut-être une frontière entre les deux qui devient poreuse. Elle peut exister. Alors, toute la difficulté du sujet, c'est qu'on connaît quelques exemples réels de dérives du genre de celles dont vous parlez. Mmh. Et il y a en même temps aussi l'idée, parfois, d'assimiler tout antisionisme à de l'antisémitisme. Donc, évidemment, tout ça c'est est au cœur de très nombreux débats qu'on pourra sans doute pas trancher ici. Néanmoins, vous avez raison, on connaît, et notamment autour de Dieudonné, quelques figures de gens qui viennent de la gauche, d'une certaine gauche, et qui ont clairement dérivé par antisionisme dans un discours très proche de l'antisémitisme. Ou très proche. Alors, cette histoire de Forisson montre aussi le lien entre l'extrême droite et le discours négationniste, hein, ça c'est clair. On sait que François Duprat, par exemple, numéro 2 du Front National, assassiné en 78, avait traduit l'un des premiers célèbres articles négationnistes. Donc, le négationnisme, il est présent dans le Front National originel. Hein. Après, on verra où il est aujourd'hui et s'il est là, mais... Il est présent dans ce Front National, Le Pen et près Le Pen d'ailleurs. Il est présent et on doit à Jean-Marie Le Pen la persistance dans le débat public à un niveau national avec une grande visibilité, la persistance d'éléments de discours négationnistes. Et on va écouter justement Jean-Marie Le Pen lorsqu'il s'exprimait le 13 septembre 1987 sur le plateau de RTL Le Monde. Jean-Marie Le Pen, écoutez, répond à une question sur les chambres à gaz, on connaît hein, cette déclaration, on l'écoute quand même. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 c'est... 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je ne l'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée. C'est de savoir... Comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit et prouvé, et quelques autres qui... Non, mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs? Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Dominique Albertini, on connaît, je le disais tout à l'heure, cette déclaration, mais quand on l'écoute, et on a beau l'écouter 20 fois, elle nous interpelle toujours autant, on s'est dit, mais... Comment cela a-t-il été possible sur la scène médiatique? Mais c'est pas Internet, c'est une radio. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en retient souvent les quelques mots, les trois mots, en l'occurrence, point de détail. Oui. Enfin, ce qu'il y a autour. On entend aujourd'hui qu'il y a plus autour. Il y a des éléments au moins aussi troublants. Après tout, si on voulait vraiment pousser le raisonnement, enfin, si Jean-Marie Le Pen voulait se défendre, il pourrait aussi bien dire que c'est un point de détail ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Sauf qu'on entend aussi avant et après, je n'ai pas étudié la question, les historiens débattent de ces questions, la façon dont ces gens sont morts ou non. Il y a non. eu des morts, mais pas que des juifs. Des morts, pas des juifs. Voilà, donc il y a en plus de la question du point de détail, qui est déjà une manière de relativiser l'importance, il y a même une manière de mettre en doute l'existence de ces événements ou non. Voilà, et ça, on l'entend bien dans l'extrait complet. Le FN d'aujourd'hui, c'est le FN débarrassé de ce qu'on vient d'entendre, en gros, pour synthétiser. Parce que, en même temps, on a vu Marine Le Pen poser sur une photo en Russie à côté d'un député ouvertement antisémite. Alors, affirmant qu'elle ne savait pas qui il était. Après tout, on peut très bien lui donner acte de cette réponse. Pourquoi pas? On a aussi vu le Front National, en revanche, expulser assez récemment, ou promettre de le faire, l'un de ses responsables niçois, gérant d'une librairie où étaient vendus précisément des ouvrages de Robert Forisson, entre autres. Donc il y a des traces, quoi. Donc il y a des traces. Ouais. Cela dit, s'il faut retenir une définition de la dédiabolisation menée par Marine Le Pen et ses amis depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'abandon, ou en tout cas la tentative d'abandon, de toute référence à l'antisémitisme dans le discours officiel du parti. Je parle de celui qui est tenu par ses représentants nationaux qui ne contrôlent pas toujours, évidemment, la parole des militants de base. Hein, Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, vice-président du FN, donnait cette définition de la dédiabolisation il y a quelques années. La dédiabolisation, ça n'est que ça. Ça n'est que nous débarrasser de la présomption d'antisémitisme. Ça ne concerne pas l'immigration, ça ne concerne pas l'islam. Et à la limite, il n'est même pas forcément mauvais d'être diabolisé sur les questions d'immigration ou d'islam. Donc, on voit vraiment à quel point le Front National a identifié ce problème de l'antisémitisme comme le facteur numéro un de son plafonnement électoral et comme le verrou à faire sauter pour devenir acceptable à un plus large public. Il essaye de le faire. Marine Le Pen, dans l'une de ses premières déclarations, lorsqu'elle prend la présidence du FN, qualifie la Shoah de summum de la barbarie. C'est une déclaration que n'aurait peut-être pas faite son père. Mmh. Après, on voit qu'il reste dans le parti, manifestement, des éléments qui n'ont pas tout à fait intégré cette nouveauté. On va écouter la voix d'un monsieur qui a beaucoup contribué au débat, un grand historien, Pierre Vidal-Naquet, au moment de la sortie de son ouvrage intitulé « Les assassins de la mémoire », titre très fort, hein. Il explique ce lien direct entre l'entreprise négationniste et la volonté d'atteindre la mémoire de la communauté juive. Pierre Vidal-Naquet, une question plus personnelle et assez douloureuse. Votre mère est morte au camp de concentration d'Auschwitz. Ma mère et mon père. Et votre père aussi, vos deux parents. Est-ce que vous seriez entré aussi vivement sur ce terrain-là si vous n'aviez pas été frappé par ce malheur? Je pense que non. Mais je pense aussi tout de même que c'est le devoir de l'historien de faire cela. J'en connais qui n'ont pas subi cette expérience et qui sont aussi entrés dans la bataille. Mais c'est vrai que cette expérience ne pouvait pas ne pas compter énormément pour moi. Oui. Le titre de cet ouvrage, Les assassins de la mémoire, je voudrais que vous l'expliquiez, c'est un beau titre. C'est parce que l'intention des pseudo-révisionnistes est de continuer sur le plan de la mémoire ce que les nazis ont fait sur le plan des corps. Après l'assassinat des corps, il y a l'assassinat de la mémoire, détruire la mémoire d'un groupe humain qui a été martyrisé et l'anéantir et continuer ainsi l'œuvre des nazis. Voilà une belle synthèse de ce que nous avons dit ou tenté de dire, ce sur quoi nous avons débattu. Alors la loi Guesso, elle a été une avancée forcément dans l'esprit, hein, bien sûr, mais dans son efficacité, que dire ? Ah, question compliquée. Il y a indubitablement une efficacité dans la mesure où c'est une loi qui coûte cher aux négationnistes. Mmh. Aller devant les tribunaux de manière répétée, payer des avocats, payer les dommages et intérêts lorsqu'on est condamné, être ensuite marqué comme ayant été condamné pour ces faits, tout ça a un coût qui est à la fois un coût financier, un coût moral, un coût d'image pour les négationnistes. Donc dans ce sens, c'est sans doute un outil qui a son efficacité. Le revers de la médaille, évidemment, c'est que cela encourage les négationnistes en question à dénoncer une histoire officielle, à dénoncer, en revanche, à évoquer une histoire interdite, la leur, celle qu'ils voudraient raconter, mais qu'on les empêche de dire. Et évidemment, ça donne à ce discours aussi l'attrait de l'interdit, de l'antisystème. Donc ça peut contribuer aussi à attirer des esprits pour qui ces dimensions-là comptent. Il y a un dernier effet de bord de la loi Guesso que je voudrais signaler. Il y a un site en France assez connu qui s'appelle F de Souche, hein, qui est un site internet F de Souche, donc français comme Français de Souche. Qui est le site phare de la mouvance identitaire qui rassemblait, quand on écrivait le livre, 1 million de lecteurs par mois à peu près, qui est vraiment très fréquenté, qui a un rôle important dans l'extrême droite de ces 10 dernières années. On a interrogé le patron de ce site, qui s'appelle Pierre Sautarel. Voilà ce qu'il nous dit. Le cadre juridique français nous a forcés à nous adapter et à polisser le message. Et on ne va pas s'en plaindre, car on touche désormais un public que nous n'aurions jamais atteint sans cela. Une liberté d'expression totale nous aurait empêchés d'évoluer. Il suffit de comparer la fachosphère américaine à la nôtre. Alors qu'ils en sont toujours à poster des billets sur le Troisième Reich, nous avons quant à nous adopté le langage politiquement correct de nos adversaires. Et donc on voit aussi comment ces barrières juridiques poussent la famille dont on parle à des stratégies d'évitement, d'innovation lexicale, à de rénovation intellectuelle qui la rendent moins facilement attaquable, notamment en justice. Alors on va terminer par une question d'actualité autour de ce qu'on appelle l'abstention différenciée. Il y a 2 jours, le journal Libération, votre journal, publiait un article fort intéressant de Serge Galam, physicien, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF de Sciences Po, donc un monsieur sérieux. Hein. Il dit, écoutez, par exemple, pour une participation globale de 79%, avec 44% d'intention de vote pour Marine Le Pen, hein, pour les projections pour le second tour, elle obtient une majorité de 50,25 si la participation pour elle s'élève à 90% contre 70% pour son challenger. Ça veut dire que si ceux qui veulent voter Front National au second tour, pour des raisons diverses, hein, se mobilisent, on sait qu'ils se mobilisent fort, et si la mobilisation pour son rival à ce moment-là, au deuxième tour, est plus faible, alors des projections à 40% qu'on nous donnerait au soir du premier tour, bah, faudrait les prendre avec beaucoup de prudence, parce qu'elles pourraient se transformer par un phénomène mathématique en majorité. Et oui, ça nous montre à quel point les choses ont changé depuis 2002. 2002, on est sur une accession au second tour qui, pour beaucoup de monde, est une surprise. Et on voit dans l'entre-deux tours une mobilisation énorme, massive, de tous les adversaires du Front National, tout camp confondu, qui vont aboutir à la très large défaite de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Non seulement on tient pour acquis l'accession de Marine Le Pen au second tour, mais en plus, on peut imaginer que même ce phénomène-là ne suscitera pas une contre-mobilisation suffisante pour la faire battre. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, mais ce qui était impossible devient seulement improbable. Merci infiniment Dominique Albertini. Je rappelle le livre que vous avez écrit avec David Doucet, La Fachosphère, chez Flammarion. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les négationnistes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la vie et l'œuvre de Nelson Mandela.